بسم الله الرحمن الرحيم. Cheikh Al-Allama Al-Uthaymin rahimahullah dit: cinquième séance sur le mérite de la récitation du Coran. Louange à Allah qui appelle vers sa porte et qui permet à qui il veut de l'atteindre. Il nous a comblés en faisant descendre son livre qui comprend des versets explicites et d'autres allégoriques, le Muhkam et le Mutashabih. Ceux qui ont dans leur cœur une inclinaison vers l'égarement suivent ce qui est allégorique, tandis que ceux qui sont bien ancrés dans la science disent « nous y croyons ». Je le loue pour la guidance et pour avoir facilité ses voies. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, une attestation par laquelle j'espère le salut de son châtiment. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le plus parfait des hommes dans ses actes. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que son compagnon Abu Bakr, le meilleur de ses compagnons. Omar, par qui Allah a honoré la religion et par qui le monde s'est rectifié. Othman, martyr de sa demeure et de son sanctuaire. Il a été tué, Othman, al-Madina, par les Khawarij. Ali, connu pour résoudre les problèmes de science et enlever le voile, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui leur sont proches. Mes frères, Allah Azzawajal dit, « Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur » لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Certes, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Afin qu'Allah les rétribue pleinement et leur ajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant. La récitation du livre d'Allah est de deux types, la récitation par la mise en pratique. Tilawatun hukmiyya, qui consiste à croire en ses informations, à ce sur quoi informe le Coran, à appliquer ses jugements en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Nous en parlerons dans une autre séance, Inch'Allah. Le second type est la récitation par la langue, tilawatun lafdhiyya, c'est-à-dire sa lecture. Le Coran a été descendu par Allah Azzawajal pour trois sagesses, le fait de l'adorer en récitant ses versets, de méditer sur l'essence des versets et d'agir en conformité avec eux. C'est pour ça que celui qui ne comprend pas l'arabe, lorsqu'il récite le Coran, il faut qu'il ait la traduction du sens afin de méditer sur ce qu'il est en train de réciter. Le cheikh dit ensuite, de nombreux textes ont été rapportés concernant son mérite, qu'il s'agisse de l'ensemble du Coran ou de sourates ou versets spécifiques. Dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté d'après Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah » le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Et dans les deux sahirs d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mahiru bil-Qur'ani ma'a safarati al-kiram il-barara, wal-ladhi yakra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaqun lahu ajran » Celui qui maîtrise le Coran, qui récite parfaitement bien, est avec les anges ambassadeurs nobles et obéissants. Et celui qui lit le Coran en bégayant avec difficulté a deux récompenses. Le cheikh dit, l'une des deux récompenses est pour la récitation et la seconde pour la difficulté qu'elle représente pour le lecteur. Et le mahir, celui qui récite parfaitement bien avec une bonne mémoire le Coran, a plus de récompenses que le second. Également dans les deux sahirs d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُو. L'exemple du croyant qui lit le Coran est celui de l'utrudja. L'utrudja, c'est en français le cédra, qui est un agrume. Son odeur est bonne et son goût est bon. Et l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran est celui de la date. Elle n'a pas d'odeur, mais son goût est sucré. Dans Sahih Muslim, d'après Abu Umama, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iqra'u al-Qur'an fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi » Récitez le Coran, lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour ses compagnons. Et dans Sahih Muslim, d'après Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afala yagdu ahadukum ila al-masjidi fayata'allamu aw yaqra'u ayatayn min kitabillah khayrun lahu min naqatayn wa thalathun khayrun min thalath wa arba'un khayrun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil » Pourquoi l'un de vous ne se rend-il pas au masjid pour apprendre ou réciter deux versets du livre d'Allah qui vaut mieux pour lui que deux chamelles, les trois versets valent mieux que trois chamelles, quatre versets valent mieux que quatre, et ainsi de suite en nombre de chamelles. Et dans Sahih Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Aucun groupe ne se réunit dans l'une des maisons d'Allah, les masjids, pour réciter le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre et que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges. Il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. Prenez soin du Coran, c'est-à-dire en le récitant souvent. Car par celui qui détient mon âme dans la main, il est plus prompt à s'échapper que les chameaux de leur entrave. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. Que nul d'entre vous ne dise j'ai oublié tel ou tel verset, mais plutôt qu'ils disent on m'a fait oublier. Rapporté par Muslim. Cela parce que dire j'ai oublié peut suggérer un manque de considération pour ce qu'il avait mémorisé du Coran jusqu'à l'oublier. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Al hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf. Voilà mon harf, wami mon harf. Quiconque lit une lettre du livre d'Allah, ou un mot du livre d'Allah, a pour cela une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. Rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit, hadith, bon et authentique, et gharib, étrange selon cette voie. Cheikh Al-Othaymin dit ensuite, certains contemporains l'ont authentifié comme étant la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Ad-Dharqutni, qui est mort en 385, a affirmé que le hadith était mawquf, qu'il était la parole d'Ibn Mas'ud et pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un énorme imam, Ad-Dharqutni, qu'Ad-Dahabi a dit de lui, il a dicté le livre Al-Ilal, qui parle des défauts du hadith, de mémoire. Et s'il en est ainsi, il est le plus grand mémorisateur que la terre ait porté. Le cheikh dit ensuite, d'après lui également, d'après Ibn Mas'ud, il a dit, « Inna hadha al-Qur'ana ma'dubatullah » فَقْبَلُوا مَعْدُوبَةَ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَالنُّورُ الْمُبِينِ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةٌ لِمَنْ اتَّبَعَ لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ وَلَا يَعْوَجُ فَيُقَوَّمُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلَقُ كَثْرَةَ التَّرْدَادِ اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حَسَنَاتٍ أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Ce Coran est le banquet d'Allah. Ma'dubatullah. Ma'duba, c'est la nourriture qui est préparée avant d'inviter des gens à la manger. Acceptez donc le banquet d'Allah autant que vous pouvez. Ce Coran est le lien solide d'Allah, la lumière évidente, la guérison bénéfique, une protection pour quiconque s'y attache, un salut pour quiconque le suit. Il ne dévie pas pour avoir besoin d'être blâmé. Il ne courbe pas pour avoir besoin d'être redressé, ses merveilles ne s'épuisent jamais et il ne s'use pas à force d'être répété. Récitez-le car Allah vous récompense pour sa récitation par 10 bonnes actions pour chaque lettre. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Alam est une lettre et Mim est une lettre. Rapporté par Al-Hakim. Et Cheikh Al-Albani l'a affaibli. Mais il y a les preuves générales que chaque bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 et plus encore. Le cheikh dit ensuite, « Mes frères, voici les mérites de la récitation du Coran, et voilà sa récompense pour celui qui en espère le salaire et l'agrément auprès d'Allah. Ce sont de grandes récompenses pour des actes simples. Celui qui les néglige est spolié, et celui à qui ce profit échappe alors qu'il est impossible de le rattraper est un perdant. Ces mérites englobent tout le Coran, mais la sunna a mentionné des mérites pour certaines sourates spécifiques. Parmi ces sourates, la sourate Al-Fatiha. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « لَوَعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ » Je vais t'enseigner la plus grande sourate du Coran, « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » La Fatiha. Elle est les 7 répétés et le Coran immense qui m'a été donné. Référence à la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ » Et nous t'avons certes donné les 7 qu'on répète et le Coran immense. Donc c'est la Fatiha. Le cheikh dit ensuite, et à cause de son mérite, sa lecture est un pilier de la prière. La prière n'est pas valide sans elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihati al-kitab fa hiya khidaj." Trois fois. Celui qui prie une salat sans y réciter la Fatiha, elle est diminuée. Et il répéta trois fois. On dit à Abu Huraira: "Nous sommes derrière l'imam." Il répondit: "Récite-la intérieurement." Rapporté par un Muslim. Iqra biha fi nafsik. Le ma'moum derrière l'imam, dans la salat à voix haute, récite la Fatiha après lui. Et il doit faire bouger sa langue et sa bouche. Car c'est ça qui est une récitation. C'est pas comme on dit en français, réciter dans sa tête. Et ce n'est pas une condition qui se fasse entendre, qu'il entende sa propre récitation. Mais il bouge la langue et la bouche avec ce qu'il récite. Et surtout, il ne gêne pas les gens qui sont à côté. Rapporté par Muslim. Il dit ensuite, parmi les sourates spécifiques, Al-Baqara et Ali Imran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Iqra'u az-Zahrawayn al-Baqarata wa Ala Imran, fa innahuma ya'tiyani yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surata al-Baqarati fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah la yastati'uha al-batala." Lisez les deux resplendissantes, Al-Baqara et Ali Imran, car elles viendront le jour de la résurrection comme deux nuages ou deux ombres, ou deux nuées d'oiseaux en rang, plaidant pour leurs compagnons, intercédant pour ceux qui les récitaient. Lisez la sourate Al-Baqara, car son acquisition est une bénédiction, son délaissement est un regret, et les sorciers ne peuvent l'affronter. Rapporté par Muslim. D'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Inna al-bayt alladhi tuqra'u fihi sourate Al-Baqarati, la yadkhuluhu shaytan." La maison dans laquelle on lit la sourate Al-Baqara, le diable n'y entre pas. Rapporté par Muslim. C'est parce qu'elle contient le verset du trône, Ayat al-Kursi. Il est authentifié d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque la lit durant une nuit, un gardien d'Allah ne cessera d'être sur lui et aucun diable ne l'approchera jusqu'au matin. Le hadith est dans le Bukhari. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, alors que Jibril était auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: "C'est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir, ce qui n'était jamais arrivé. Un ange en descendit et vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Abshir binurayn qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatim suratil baqara lan taqra biharfin minhuma illa utita. Réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été données, qu'aucun prophète avant toi n'a jamais eu. La Fatiha du livre et les versets de clôture de la sourate Al-Baqara." C'est-à-dire les deux derniers versets d'Al-Baqara. Amen al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, jusqu'à la fin de la sourate. Tu ne liras pas une lettre de ces derniers sans qu'il ne te soit donné. Rapporté par Muslim. Et parmi les sourates spécifiques pour leur mérite, Qul huwallahu ahad. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: Walladhi nafsi biyadi innaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Par celui qui détient mon âme, elle équivaut au tiers du Qur'an. Et le fait qu'elle soit équivalente en mérite ne signifie pas qu'elle suffise à remplacer le Coran. C'est pourquoi si quelqu'un la lisait trois fois dans la salat, cela ne le dispenserait pas de la Fatiha. Parmi les sourates spécifiques pour leur mérite, les deux sourates de protection. Qul a'udhu bi rabbin nas et qul a'udhu bi rabbil falaq. D'après Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alam tara ayatin unzilat al-laylata lam yura mithluhun. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. N'as-tu pas vu des versets descendus cette nuit dont on n'a jamais vu de semblable? Dis: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, et dis: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Rapporté par Muslim. Et dans une version chez An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Uqba de les réciter, puis dit: Ma sa'ala sa'ilun bimithlihima wa lasta'adha musta'idun bimithlihima. Aucun demandeur n'a demandé par leur semblable et aucun chercheur de refuge n'a cherché refuge par leur semblable. Et la version d'Al-Nasa'i est authentifiée par Cheikh Al-Albani. Efforcez-vous, mes frères, de réciter abondamment le Coran béni, surtout en ce mois durant lequel il a été révélé, car la récitation y a un mérite particulier. Jibril faisait réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année durant Ramadan. L'année de sa mort, il l'a révisé deux fois, par confirmation et assurance. Les salafs, radiyallahu anhum, récitaient abondamment le Coran pendant Ramadan, dans la prière et en dehors. Az-Zuhri, rahimahullah, quand Ramadan arrivait, disait: ce n'est que récitation du Coran et don de nourriture. C'est-à-dire, pendant Ramadan, je vais faire que réciter le Coran et offrir de la nourriture. L'imam Malik, rahimahullah, quand Ramadan arrivait, délaissait la lecture des hadiths et les assemblées de sciences pour se consacrer à la lecture du Coran dans le mushaf. Qatada, rahimahullah, finissait le Coran tous les 7 jours en permanence, toute l'année. Tous les 3 jours pendant Ramadan et chaque nuit durant les 10 derniers jours. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, finissait le Coran pendant Ramadan tous les 3 jours et toutes les 2 nuits durant les 10 derniers jours. Al-Aswad, qui fait partie des élèves de Ibn Mas'ud, récitait tout le Coran en 2 nuits pendant tout le mois. Suivez donc, qu'Allah vous fasse miséricorde, l'exemple de ces vertueux. Marchez sur leurs traces afin de rejoindre les pieux purifiés et profitez des heures de la nuit et du jour par ce qui vous rapproche du Tout-Puissant. Le pardonneur, car les vies s'éteignent rapidement et les temps passent en un instant, comme une heure d'une journée. Ô Allah, accorde-nous de réciter ton livre de la manière qui te satisfait de nous, guide-nous par lui sur les voies de la préservation, fais-nous sortir par lui des ténèbres vers la lumière, et fais qu'il soit un argument pour nous et non contre nous. Ô Seigneur des mondes, ô Allah, élève nos degrés par lui, sauve-nous par lui des abysses, efface nos péchés par lui et pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents, à tous les musulmans, par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Walhamdulillah.